Bon ben ce soir l'ambiance est très très chaude, nos cœurs sont beaux. La boîte tout se passe. Les femmes sont belles et charmantes. Et nous avons l'honneur de recevoir pour vous deux invités de marque. Quand on déboule, tout se déroule sous un air de soul. Voiture lustrée, contact, un son compact. Les frères coiffés, boogie, dégradé, pinto, sous le globe, glissant sur tête de négro. Ce soir, funk, zouk, soukou, soccer, sambo. Troisième merveille dans l'échelle des boîtes afro. À l'altesse, les bugs, ils sont soignés en 100%. Bon sang, les filles sont le bon, y'a du bon sang, je bois ma boisson. Laisse-moi tâter la piste de danse, ouh, ça glisse sur un terre big bonda. Faut chiver, j'y vais, y'a des raclis, kao, kao, bougou, baigné, mal baigné qui balande en début de soirée. Et des bombes à max, avec le string, tu vois, t'en passe. Je fais signe au DJ qui met bombastique. Le raga ça donne la triste virginité. Sauter c'est pas mon problème, oh. Moi je dois ken toutes les go. Comment j'attaque les rats, minuscule bout de papier, dis rien à ton que mais gangster d'amour. C'est un jeune garçon qui te donne une bonne bourre. Beaucoup ont laissé leur mec pour venir s'animer à la chasse. Celui qui lâche sa meuf perd sa place, ouais. Sous les spots, j'tape, mais pas de pacha. Dans ma poche, y'a mon stylo sur la bleuta, le whisky coca. Sa papaya, guette-moi, j'attaque un canon. Son black bidon, t'as en blond, viens me casser les couilles. La coupe tête dans sa mère, c'est bon, il s'écroule. La cocaïne dans sa clope, il salope. Les videurs arrivent, laissez passer, on est VIP. Des meufs sur estrade cassent leurs talons carrés. Elles ont même oublié tous leurs potes recalés. Elles s'en foutent, t'as raison, remise que Dieu t'a donné. Séquence collée serrée, oh ni j'y vire, elle là-bas je l'ai repéré. Je fais mon chemin entre parfum et sein. Je bluffe une flambeuse pour qu'on finisse bien. Aime ton prochain, parfait, j'exécute. Écoute, mise dans cul but, y'a cul, y'a bite. Tu sais, le mec a fallé sur une meuf au fond, c'est moi. Qui fuis avec elle avant la fin, c'est encore moi. J'ai vidé le JB, attaque le vodka orange. Alerte, alerte, alerte, au Malibu, mélange étrange. Y'a pas de Pamela, y'a une blonde art clash. Je mets quand même là le billet, phénomène but de luxe. Chatte et pile et non poilu comme Pollux. J'danse à la Scala, c'est pas la Scala. Hey, double A, oui, yeah. Qu'est-ce qu'il y a, Victor? Mamma mia, je danse le Stomia. Ah, ça a été vraiment chaud ce soir. Je vois les couples se former là, devant moi, sous mes yeux même. Bon alors, surtout n'oubliez pas, en sortant là, sur la gauche, aux toilettes, il y a des distributeurs de préservatifs. Sortez couverts. Nous allons mettre un petit slow après ça, parce qu'il est tard, 6h du matin, c'est l'heure du câlin. Zot savent. Zot ja savent. Un petit slow. Les deux amis qui étaient là, il y en a un qui a fait ça même pour vous. Alors, les deux amis, c'était Stomy Bugsy et Passy. Et alors maintenant, je vais vous mettre le slow de Passy. Ça s'appelle l'antre de l'ange.